De retour à Futur Simple sur CKRL au 89,1. Alors, pour faire suite au toit vert, eh bien, il y a une réglementation, la ville de Toronto, pour que les nouvelles constructions aient un certain pourcentage de toit vert. C'est un architecte de Montréal qui travaille justement sur le verdissement des villes et qui m'a dit ça. Alors, peut-être que respecter cette réglementation coûtera plus cher aux entrepreneurs. Et voilà qui nous amène à notre deuxième sujet, l'hypothèse de Porter, donc un économiste. Et lui, il pose l'hypothèse qu'une réglementation environnementale stricte permettrait une meilleure compétitivité des entreprises. Donc, justement, ça ne coûterait pas plus cher. Alors, comment ça? Eh bien, nous allons le voir avec notre chroniqueur Pierre-Olivier Desmarchais. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Valérie. Alors, parle-nous déjà un petit peu de comment fonctionne la réglementation environnementale au Québec. Bien, en réalité, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on réfléchisse sur l'impact de la réglementation environnementale sur le développement économique, mais plus particulièrement sur la compétitivité et la productivité des entreprises. À mon avis, cette question est de plus en plus importante, étant donné que le droit de l'environnement au Québec, qui regroupe l'ensemble des lois et des règlements visant d'une part à protéger la santé humaine et d'autre part assurer la protection de l'environnement, donc l'eau, l'air et les sols, est présentement en train de vivre des transformations assez importantes. Donc, en fait, la manière de légiférer, de réglementer au Québec est en train de prendre un nouveau virage. Bon, tu vas nous expliquer ce virage-là. Oui. Alors, si on retourne dans le temps, là, au cours des 30 dernières années, on pourrait principalement traduire le droit de l'environnement par des règles que l'on qualifie en droit, là. On les appelle les « end of pipe ». Donc, je m'excuse ici, il n'y a pas vraiment de traduction française pour cette expression. Alors, la logique derrière ce type de réglementation, c'est de contrôler toutes les formes de pollution que je qualifierais de non acceptables en imposant aux industries la technologie à utiliser pour y arriver. Donc, par exemple, la sorte d'équipement installé sur une cheminée qui dégage des substances polluantes dans l'atmosphère. Et enfin, également, des sanctions. Souvent, ces normes-là, on y accole des sanctions pénales, donc des amendes en cas de non-respect. Puis c'est comme ça qu'on pense que les entreprises vont se sentir obligées exactement aux normes. Donc, tu comprendras que ce type de normes fait en sorte qu'on se retrouve avec des textes juridiques très complexes et très techniques. Puis de plus, cette forme de réglementation vise uniquement les opérations qui sont situées en aval sur la chaîne de production. C'est ça, on ne cherche pas à corriger le bobo à l'origine. Exactement, on ne vise d'aucune manière à prévenir. Donc, on peut faire déjà ici une différence entre la norme de performance qui viserait, par exemple, qui fixerait plutôt des objectifs à atteindre pour les entreprises par rapport à la norme technologique, qui est la norme qui est utilisée depuis le début là, du droit de l'environnement contemporain, là, qui prévoit plutôt la technologie à mettre en place et qui, l'État, en réalité, a le réflexe de la déterminer dans sa réglementation. Donc, il y a également aussi, là, on en parle depuis de longues années, là, les instruments économiques pour le droit de l'environnement. Donc, c'est souvent les taxes, les redevances. Les consignes aussi, qui sont considérées beaucoup plus flexibles, si on veut, que les instruments traditionnels, comme les autorisations, les permis, là, qui souvent là, visent une technologie en particulier. Donc, l'hypothèse traditionnelle qui est défendue depuis plusieurs années, voire des décennies par les économistes, est que la réglementation environnementale telle qu'on la connaît, en ajoutant des contraintes supplémentaires sur les activités des entreprises, augmente les coûts de production de ces dernières et ainsi affecte négativement leur position concurrentielle sur les marchés internationaux. C'est ça. Donc, ça leur coûte plus cher de se plier à ces règlements. C'est un peu le paradigme, là. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, ici, le raisonnement est très simple à comprendre dans une optique de mondialisation. Puis, je vais tenter de vous l'expliquer à partir d'un exemple fictif. Alors, disons qu'au Canada, on a un règlement qui impose aux papetières, et là, c'est très fictif, là, de capter et de stocker leurs émissions de CO2. Bon, à l'aide d'un équipement spécifique qui est déterminé à l'avance dans la norme, alors qu'au Brésil, ce même secteur d'entreprise n'a pas respecté de telles normes, eh bien, on peut penser logiquement que sur le marché international, les papetières brésiliennes auront un avantage concurrentiel sur le par rapport à leurs concurrentes canadiennes. Étant donné qu'elles n'auront pas à investir dans des nouveaux équipements ou pour le captage de leur CO2 et pourront offrir un produit moins cher. Bon, cette hypothèse incite ainsi les États à abaisser leurs normes environnementales ou tout simplement à ne pas adopter de normes, de nouvelles règles pour permettent à leurs industries d'être compétitives sur les marchés, mais également attirer des nouveaux secteurs industriels sur leur territoire. Mm-hmm. Donc, il y a une forme de compétition entre les États là, pour attirer... Ah oui, c'est ça, ils sont un petit peu pris. Est-ce qu'on augmente nos normes pour satisfaire les soucis environnementaux, mais à ce moment-là, on risque de perdre des joueurs. C'est là, ça, exactement. Ou de ne pas en attirer qui auraient été normalement intéressés d'avenir. Ben, est-ce que ça veut dire que la réglementation traditionnelle en matière environnementale est quand même efficace? Écoutez, je dirais que la réglementation traditionnelle, elle a une raison d'être. Parce qu'elle est essentielle dans certaines circonstances où l'État, en réalité, a l'obligation d'intervenir pour encadrer au maximum les activités d'un secteur industriel, qui sinon, s'il n'y avait pas d'intervention, on pourrait penser qu'on se retrouvait avec des catastrophes environnementales importantes ou des cas de maladies graves chez la population. Présentement, on a un bel exemple avec le recours collectif des citoyens de Shannon contre le gouvernement canadien. Donc, même si le débat de cette cause portera principalement sur le lien de causalité entre les déversements de trichloroéthylène... Et puis les cas de cancer, Oui, exactement. On sait qu'aujourd'hui, le rejet de cette substance est réglementé, là. Donc, il fallait absolument l'encadrer. Puis, il fallait également interdire certaines formes de gestion qui causent des problèmes pour la population, pour l'environnement. Donc, il y a certaines situations où les impacts, les risques pour la santé des gens et l'environnement sont élevés, donc je pense que c'est indispensable de bien encadrer ce rejet. Puis si on suit l'évolution du droit de l'environnement, le gouvernement s'est efforcé au cours des dernières années de déterminer les activités des substances qui représentaient un risque important pour la santé, puis il continue à le faire, et c'est important qu'il le fasse. Mais les objectifs de l'environnement, selon moi, ne doivent pas se limiter à ça. Fondamentalement, on le sait que le droit de l'environnement, c'est également un droit de polluer. Oui. Donc, les règles de zéro pollution, ça n'existe pas ou sont très rares. Alors, au cours... C'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant, oui, mais bref, on vit dedans depuis tellement longtemps que, bon... Alors, au cours des années, on s'est également rendu compte que de l'importance pour le législateur d'adopter une approche intégrale afin de mieux protéger l'environnement. Par exemple, si vous réglementez uniquement les émissions atmosphériques des entreprises, eh bien, certaines risquent de trouver des solutions pour rediriger ces rejets dans l'eau, dans les sols. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas vrai. C'est impossible de faire zéro pollution. On la détourne ailleurs. Oui, exactement. Il y a plusieurs cas aux États-Unis où c'est arrivé. Il y a également aujourd'hui le fait que le concept de développement durable pose de nouveaux défis pour le Québec, et cela exige naturellement une nouvelle approche qui, selon moi, mériterait de s'ouvrir un peu plus sur les sciences économiques. Mm-hmm. Alors, on sait pertinemment que l'État n'a pas les moyens de déterminer à l'avance les modes de production ou les substances à utiliser qui auraient le moins d'impact sur l'environnement. C'est impossible. Il y a tellement de produits, il y a tellement de manières de faire que, bon, on ne peut pas exiger à l'État d'analyser tout ça. Il ne peut tout simplement pas le faire. Alors, la grande question, c'est comment structurer le droit contemporain, si on veut, de l'environnement. Et c'est là que va arriver l'hypothèse de Porter. Exactement. Alors, je pense que là, il est 18h, donc c'est l'heure de faire notre pause publicitaire. Donc, on se garde l'hypothèse de Porter pour juste après cette pause publicitaire sur CKRL au 89,1. Continuons donc notre chronique avec Pierre-Olivier Desmarchais, qui nous parlait donc d'un petit peu de comment se passait la réglementation environnementale au Québec et un peu ailleurs dans le monde, et qui nous amenait à l'hypothèse de Porter. Donc, je te laisse continuer, Pierre-Olivier. Oui, alors, c'est qui Michael Porter? C'est, premièrement, c'est un professeur à l'école de management de l'Université Harvard, mais c'est également un économiste très connu dans le monde pour avoir publié des études sur la façon dont une entreprise peut avoir un avantage concurrentiel en maîtrisant mieux que ses rivaux les forces qui structurent son environnement concurrentiel. Donc, en 1991, il a rédigé un premier article dans la revue Scientific American où il remet en question l'hypothèse traditionnelle des économistes concernant la réglementation environnementale. En fait, Valérie Porter a décidé de remettre en question le supposé lien négatif qui existe entre la réglementation et la compétitivité donc, des entreprises. Donc, tu disais tout à l'heure que ça allait coûter plus cher si on se pliait aux normes. Oui, exactement, que les entreprises allaient en souffrir. Oui, c'est ça. Donc, selon son hypothèse, une réglementation environnementale stricte, mais bien pensée, peut engendrer non seulement des bénéfices sociaux, comme par exemple la réduction des dommages environnementaux, mais également des bénéfices privés pour les firmes qui y sont soumises. Mm-hmm. Alors, toujours selon son hypothèse, Porter souligne que dans la majorité des cas, les bénéfices privés enregistrés par les entreprises dépasseraient les coûts supportés par ces dernières pour se conformer à la réglementation et ainsi permettraient d'augmenter les profits. On se demande comment? Alors, ben, pour simplifier la chose, l'idée de base de Porter est que l'introduction d'une réglementation forcerait les entreprises à remettre en question l'ensemble de leur processus de production et mener à l'innovation. Alors, cette remise en question aboutirait très souvent à la réduction de la pollution d'une part, mais également à des gains de productivité profitables. Alors, le lien entre réglementation et productivité est donc l'élément central de son hypothèse. Mm-hmm. Pour soutenir ses propos, Porter utilise ce que je pourrais qualifier de véritables success stories, ou des entreprises qui ont investi dans la recherche et le développement et qui ont modifié leur mode de production afin de les rendre plus écologiques ou de se conformer à des réglementations, ont réussi à tirer profit de ces investissements. Et parmi les exemples, j'en ai un qui a retenu mon attention. Alors, c'est une entreprise américaine qui, après l'entrée en vigueur du protocole de Montréal... Donc, sur les CFC, là? Oui, exactement. Devait trouver une solution de rechange au produit de nettoyage de base là, qui contenait du CFC, qui était utilisé pour nettoyer les circuits électroniques. Mm-hmm. Alors, l'entreprise a non seulement réussi à le remplacer par un autre produit à base de terpènes, mais elle s'est également aperçue que le nouveau produit était réutilisable. Donc, cela lui a permis d'abaisser ses coûts de productivité, étant donné qu'elle pouvait réutiliser le produit alors qu'elle ne pouvait pas lorsqu'elle utilisait le CFC. C'est une meilleure rentabilisation, finalement, du produit qui est utilisé. Oui, exactement. Puis, il y a un autre exemple que Porter souligne, c'est les normes sur le recyclage au Japon. Hitachi, en se conformant à ses normes, puis en tentant de trouver des solutions pour réduire... Bref, a réussi de trouver des solutions pour réduire le temps de désassemblage de ses produits lors du recyclage et également à éliminer certaines pièces qui étaient jugées non essentielles. Ah oui. Donc, ça a permis également de produire des produits qui coûtent moins cher en réalité. Et oui, parce que si c'est plus facile à désassembler, donc à démonter au moment du recyclage, j'imagine que c'est plus facile à monter aussi. Oui, exactement. S'il y a moins de pièces s'il y a moins de pièces dans la machine, il y a moins de pièces à fabriquer au départ. Oui, c'est ça. Puis avec des normes sur le recyclage, par exemple, il y a également d'autres entreprises qui ont réussi à faire des produits où est-ce que là, ils pouvaient réutiliser leurs toutes les pièces. Mm-hmm. Alors, c'est une autre manière également d'abaisser leurs coûts de productivité. Mm-hmm. Sauf que, bien entendu, l'hypothèse de Porter est contestée par plusieurs économistes pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, selon moi, les plus importantes. S'il est possible d'accroître les profits des entreprises visées par une réglementation environnementale, les économistes disent qu'il existerait systématiquement des opportunités de profit ignorées en l'absence de cette réglementation. Mm-hmm. Donc, Porter remet en question l'hypothèse traditionnelle de la maximisation des profits, puis il met également en question l'hypothèse de la rationalité des agents économiques. Mm-hmm. C'est quand même deux théories économiques qui sont très importantes. Alors, c'est ici que, si on veut, le bas blesse pour Michael Porter, parce que même si dans son hypothèse, il remet en question la rationalité des acteurs économiques, il s'est défendu en disant que les agents n'ont pas nécessairement toujours accès à l'information. Ouais. Et là, c'est que en réalité, les autres économistes, ils disent, pas besoin d'une réglementation environnementale pour que l'entreprise puisse retourner dans son mode de production puis trouver la solution miracle. Mais Porter, lui, il dit, il faudrait peut-être revoir cette hypothèse-là parce qu'en réalité, c'est pas vrai que les entreprises, en réalité, ont toujours accès à l'information. Des fois, il faut les pousser à aller la chercher. Mm-hmm. Oui, puis c'est la maximisation dans un contexte donné, avec les connaissances données à un moment donné. Exactement. Et là, il ouvre d'autres portes, là, de regarder plus large. Donc, cette hypothèse-là est pas vraiment transportable, je trouve, dans le contexte de Porter. Là. En tout cas, Porter ouvre d'autres portes. Là, il nous fait voir qu'il y a des endroits où on n'avait pas regardé. C'est ça, exactement. Puis, c'est un peu là que les autres économistes disent, mais ces portes-là, ils pourraient être possibles. Les entreprises pourraient les ouvrir par elles-mêmes. Donc, à condition de les voir. Ben, c'est ça. Mais bon. Une autre critique à l'hypothèse de Porter, c'est que je dirais qu'au niveau empirique, c'est très difficile de valider l'hypothèse parce que, il faut avoir les normes en place et toutes les normes ne sont pas nécessairement, les bonnes normes ne sont pas nécessairement en place. Donc, ça peut être difficile aux économistes de prévoir les effets ou de valider l'hypothèse de Porter. Et pour conclure, Valérie, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il y a plusieurs économistes qui continuent toujours de tenter de démontrer la validité ou non de l'hypothèse de Porter. Si on arrivait à la valider et qu'elle était admise par les pouvoirs publics, donc par l'État, l'impact serait énorme pour la protection de l'environnement parce qu'on assisterait à un virage à 180 degrés, car la mondialisation favoriserait désormais la protection de l'environnement. Dans une perspective de concurrence entre les pays, une réglementation environnementale serait donc ainsi la source d'un avantage compétitif entre les nations. Mm-hmm. Donc, ça serait vraiment une course vers le haut pour l'élaboration de nouvelles réglementations environnementales. Mm-hmm. Alors, s'il y a des économistes qui trouvent la solution, eh bien, j'imagine qu'il pourrait y avoir... ça pourrait avoir des impacts vraiment importants. Ouais. Mais c'est ça, c'est au pouvoir public. Il faut valider cette hypothèse-là, puis que les pouvoirs publics en prennent connaissance pour émettre des réglementations. Mais même les industriels, s'ils en sont convaincus, ils n'ont pas besoin d'attendre les réglementations non plus. Non, exactement. Ça pourrait également forcer les entreprises à se dépêcher. Ouais, ouais. S'ils voient qu'il y a un intérêt économique, ils n'ont peut-être pas à attendre une réglementation pour aller de l'avant, pour voir les portes et puis... Non, exactement. Heureusement, il y a déjà des entreprises qui sont déjà sur cette voie. Oui, on a des exemples. C'est fort intéressant. Je te remercie beaucoup. Puis Olivier, c'est pas très souvent qu'on fait un lien entre la science et l'économie, entre l'environnement et l'économie. Et c'était une belle façon de l'aborder. Alors, merci beaucoup, Pierre-Olivier. On fait maintenant une petite pause musicale sur CKRL au 89,1.